Still Overdrive on Radio Dio. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, ce fantastique groupe qu'est Talisman avec cet album 5 out of 5, sorti à au milieu des années 90, un live enregistré au Japon avec le morceau Coming Home, sur lequel Ici, on entend le fantastique bassiste Marcel Jacob. Marcel Jacob, qu'on avait vu dans Yngwie Malmsteen, dans le groupe de Yngwie Malmsteen des débuts, en compagnie, bien entendu, de Jeff Scott Soto, bien sûr, staccanoviste du micro, et Frédéric Ankeson, que l'on a maintenant depuis une quinzaine d'années dans OPERF. Restez bien derrière votre tuner, dans votre rocking chair. C'est Overdrive qui débute et on aura de l'excellente musique. La semaine dernière, pas d'émission, puisque nous étions au Festival du Plein Air Fest à côté de l'aéroport de Saint-Exupéry et on a enregistré quelques superbes petites émissions qu'on va se faire un plaisir d'écouter dans les prochaines semaines. Ce sera le tribute tout fresh avec Stéphane Buriez que l'on va diffuser un peu plus tard aujourd'hui. Donc un groupe composé de vétérans de la scène métal française qui se font plaisir en interprétant de la meilleure des façons qui soit des classiques de la scène thrash 80s, 90s, etc. Pour l'heure, on va diffuser un extrait du dernier album de Mr. Big, Mr. Big qui a décidé de raccrocher les gants, mais de nous sortir ici un dernier album qui s'appelle Ten. Et sur lequel bah, on a toujours bien sûr le trio on pourrait même dire Paul Gilbert, Billy Sheehan et Eric Martin. Malheureusement le batteur Pat Torpey est décédé de la maladie de Parkinson il y a de ça quelques années et pour lui rendre hommage il décide d'arrêter la carrière de Mr. Big ici, non sans sortir un dernier album. On s'envoie ça tout de suite sur le 895 de Duo Overdrive avec cet album 10 qui voit le jour aujourd'hui même sur Frontiers Records. Ce sera Right Out of Here. Like a ride on a sinking ship, I can't freaking Yes, Mr. Big, tout de suite avec The Right Out of Here, avec une influence un peu de Led Zepp, un peu de Aerosmith également, donc l'alliance transatlantique, pourrait-on dire. Et bien entendu, le style bien entendu, de Paul Gilbert et de son équipe ici, ils vont nous manquer, mais ça a été une super carrière. Encore une fois, un hommage à ce très bon batteur aussi, qui n'est pas forcément très connu, qui s'appelait Pat Torpey, qui les a accompagnés de nombreuses années. On va passer maintenant à ce groupe allemand qui s'appelle Orden Hogan, qui nous joue une musique beaucoup plus d'inspiration power metal. Donc sur cet album The Hoarder of Fear, dont on va diffuser le morceau titre un peu plus tard, on a ici un groupe qui était en panne d'inspiration. Son producteur de leader l'a avoué. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé sur YouTube un jeune gars qui venait d'Amérique latine et qui s'amusait à reprendre sur YouTube des morceaux de Orden Hogan et parfois qu'il les adaptait un petit peu, c'est-à-dire que les parties qu'il jouait n'étaient pas exactement ce que le groupe réalisait. Et le groupe, de son propre aveu, a avoué que les idées que ce jeune gars d'Amérique latine, du Paraguay, il me semble, avait, étaient, selon les dires du leader du groupe, tout simplement meilleures que leur compo principal. Donc ils ont décidé tout simplement de faire appel à ses services pour ce dernier album, The Order of Fear, qu'on va envoyer tout de suite avec le morceau titre. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio, Orden Hogan pour du power metal. Oh, Yes, vous venez d'entendre le groupe Sabir avec cet album sorti sur Listenable Records. Voilà, pour du heavy metal traditionnel, un peu dans le revival de cette scène qui existe maintenant depuis quelques années. Et ça, on va retrouver encore une fois avec ce groupe Portrait qui nous sort cet album sur Metal Blade Records, et ce sera tout de suite le morceau The Sacrament, tout de suite sur Overdrive Radio Dio. Il est tout simplement 22h. Yes, vous venez d'entendre Portrait, donc avec ce morceau The Sacrament sorti sur Metal Blade Records. On va sortir maintenant cet album de Annihilator, Metal 2, qui est le dernier album en date de Annihilator, qui n'est pas vraiment un album de, on va dire, chansons inédites, puisqu'il s'agit tout simplement de la version 2 de cet album Metal, qui était paru en 2007, sur lequel on avait énormément d'invités, et particulièrement des guitaristes. On peut citer Corey Beaulieu, qui était... qu'il est toujours d'ailleurs le guitariste de Trivium, Jeff Loomis de Nevermore, Will Adler de Lamb of God, Anders Bjørler de The Haunted, Jesper Strombald de In Flames. On peut penser également à Steve Lipscodlow et également à Alexi Lyo de Children of Bodom, bien entendu, qui nous s'initie un superbe solo, de même plusieurs superbes solos de guitare. Donc cet album a été un peu ressorti, remasterisé, remixé. On retrouve néant et également de nouvelles, on va dire, prises, puisque les batteries ont été enregistrées, cette fois en compagnie de Dave Lombardo, et les parties vocales de Stu Block, ancien ancien Eisturf. Et tout simplement, on peut dire que cet album, à mon sens, sonne mieux que l'original, qui était peut-être un peu plus plat. Ici, on a affaire à un vrai son métal, tout simplement. Et les, bien sûr, invités de guitare ont été conservés. C'est un superbe album que je conseille à tout le monde, ce Metal 2. Et on va passer tout de suite ce Downright Dominate, sur lequel on retrouvait le sieur Alexi Lyo, qui nous manque terriblement et qui nous offre ici une très belle prestation. Donc repose en paix l'ami et vive tout simplement tes parties de guitare. We'll be right back. Yes, une sacrée tarte entre les oreilles, ce Annihilator avec ce Downright Dominate, extrait de cet album Metal 2, sur lequel on retrouvait bien entendu Alexis Lyo, mais également Dave Lombardo sur cette nouvelle version, ainsi que Stu Block, ancien chanteur de Iced Earth. Donc je vous l'ai dit en début d'émission, ce soir dans Overdrive, on aura la chance de diffuser une interview de Tribute to Thrash. Tribute to Thrash, ce groupe composé de vétérans de la scène française qui nous interprètent des brûlots de thrash. Ça a été enregistré la semaine dernière du côté du Plein Air Fest avec bien entendu Alex Colin-Token de Aggressor, le père Steph Buriez de Loud Blast, bien entendu Fabien de Thrash Bass et Niklaus, ancien ADX. Rien que ça, un super moment sur scène, que des classiques, une grosse ambiance, gros son, des musiciens au top de leur forme et puis un franc moment de rigolade en interview. Ce sera suivi d'un petit classique d'Anthrax en live, bien entendu, pour célébrer cette musique qu'on aime tant. Salut les gars, on s'était croisés sur le Motocultor pour l'une de vos premières dates, qui était à mon sens le véritable acte de naissance de Tribute to Thrash. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Ouais, je pense que ça a été le premier gros concert. De toute façon, avant, il y a eu le Bataclan. Ouais. Bah, c'est vrai que le Bataclan, c'était un coup d'essai. On n'a pas fait une setlist complète. Ouais. Mais c'est vrai que le Motocultor, déjà, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde le jour où on a joué, sur la main stage, en début d'après-midi. Enfin, c'est clairement un spot où tu peux avoir trois pelés devant toi. Et en l'occurrence, c'était blindé. Et pour un premier coup d'essai, on peut dire que je pense que c'était pas mal. Bien fait. Ouais. C'est vrai que les gens ont été réceptifs. Le visage de certains aussi. Ouais. C'est vrai. Gracieusement envoyé. Mais c'est un très bon souvenir. Alors après maintenant un an de live, est-ce que vous diriez que la cohésion scénique et la symbiose entre vous est plus forte ? Alors il y a deux mots que je ne comprends pas. C'est pas faux. Je pense oui. Voilà, ça a mûri, c'est sûr. Ça a mûri. Vrai, ouais. On a. Enfin, encore une fois, c'est vrai que monter une setlist de reprise, ça paraît simple comme ça, mais ça, on faut toujours aller chercher le détail, et c'est dans le détail qu'on améliore les choses. Donc, on a réussi à rajouter des morceaux et à faire que on soit aussi sur scène. Pas juste un groupe qui vient jouer, quoi. Enfin, c'est important aussi d'avoir une interaction avec le public, savoir qui intervient, parce qu'on est quatre chanteurs aussi. Donc quatre chanteurs, c'est chacun. Enfin, on veut pas. Enfin, il y a pas de leader. Tu vois, il y a quatre personnes dans un groupe. Et quatre personnalités fortes avec une histoire et un historique important dans l'histoire du métal français, je pense aussi. Donc justement, on s'était rencontrés l'année dernière lors du concert du Motocultor au sein du camion de la Ferrarock. À cette occasion-là, on avait discuté un petit peu du choix des morceaux et de ce qu'on avait appelé un petit peu les deep cuts. Donc jouer un Nuclear Assault ou un Heartbreak of Evil de Sodom, c'est peut-être pas la chose la plus, on va dire... Évidente, ouais. Voilà. Lorsqu'on fait un tribute, ce serait beaucoup plus simple, à mon sens, de sortir une setlist un petit peu tout-terrain avec du Master of Puppets ou du Holy Wars, même si ce sont de très bons morceaux, on ne dira pas le contraire. Est-ce que vous avez ajouté de nouveaux titres, justement, sur cette setlist, en un an ? Alors, plein, en fait. Ouais. Enfin, là, on arrive à une vingtaine de morceaux maintenant. Donc, et là encore, on a rajouté quelques classiques. Tu parles de Megadeth, alors c'est pas, on n'a pas fait Holy Wars, mais on a fait Peace Cells, qui reste un gros classique aussi. Mais à côté de ça, on s'est rajouté quelques titres... Le Anthrax. Comme Whiplash, par exemple. Anthrax, Madhouse, qu'on ne jouait pas l'année dernière. Un morceau de Whiplash aussi, un groupe qu'on adore. Encore une fois, voilà, l'idée c'est aussi qu'on reste dans les trucs pointus. Alors forcément, il faut qu'on ait des têtes de gondole, comme on dit. Parce que un Exodus, pour l'instant, on n'en a pas, mais on va faire le And Then There Were None qui arrive dans cette liste. Il y a aussi un Agent Steel, un groupe qu'on adore, qu'on veut absolument rajouter à cette liste. Donc tu vois, il y aura toujours les grands, comme Testament aussi, qu'on doit ajouter. Donc la setlist set-off avec des standards de groupes hyper connus, des morceaux que tout le monde connaît, et des morceaux peut-être plus, pas obscur en fait pour le fan de thrash metal. Parce mais que... à mon avis, c'est aussi des morceaux qui peuvent faire plaisir à des vrais fans qui écoutent ça depuis, depuis 30, 40 ans. Ah, ça, c'est sûr. Et est-ce que vous sentez qu'il y a une différence au sein de la réaction du public suivant justement si le morceau est connu ou un peu moins? Clairement, on voit une différence quand on fait un... Metallica, c'est flagrant, notamment. Voilà. Oui. Mais à côté de ça, Metallica, tu vois, c'est un truc, quoi. Nuclear Assault, c'est pas spécialement un morceau hyper connu, enfin, c'est hyper connu pour les mecs un peu pointus, mais c'est un morceau qui cartonne à chaque fois sur scène. C'est un des morceaux qui marche le mieux. Razor, pareil, Razor, ça cartonne à chaque fois. Et je pense que c'est juste l'énergie que nous, on y met aussi, qui fait que bah, les mecs, ils disent, putain, on a envie de faire un circuit de pit là-dessus, on a envie de faire les cons, même s'ils connaissent pas le morceau. Il y a ce côté un peu sans concession de ces titres-là qui fonctionnent direct, quoi. Oui, parce qu'on n'a pas forcément besoin de connaître, on va dire, dans le texte, le morceau en détail pour l'apprécier, en fait. C'est une musique qui est quand même directe, qui est faite pour s'éclater tout de suite. Il faut faire le mix des deux, en fait. Ouais. Et sans prétention aucune, si on arrive à faire découvrir certains groupes à des plus jeunes fans de thrash qui n'ont jamais entendu parler de Razor, quand même. Ouais. Nous, on y trouve une certaine satisfaction. Mais encore une fois, oui. Enfin, l'idée, c'est aussi d'aller, comme je te le disais, nous, on se fait plaisir parce que c'est que les groupes qu'on adore depuis qu'on est gamin. Donc les reprendre, déjà, c'est un vrai kiff. Donc de voir que les gens se joignent à nous dans le kiff collectif, bah voilà, la mission est remplie et on est là pour ça, quoi. On n'a pas d'autre prétention que de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Et à votre avis, est-ce que l'étape du studio est envisageable pour vous ? Afin de proposer quelque chose au public, peut-être des festivals qui ne vous connaissent pas encore et qui ne connaîtraient pas le thrash. Ne serait-ce que peut-être pour un titre ou même ce qui se fait beaucoup de nos jours, une vidéo. Bah, je pense que le studio, c'est pas un truc qu'on a envisagé parce que ça n'a pas vocation. Mais je pense que voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir du live, tu vois, c'est de la vidéo. Oui. Bon, le mec qui veut écouter Slayer, il écoute Slayer. Slayer, en vrai. Après, voilà. Effectivement, peut-être une vidéo, mais un truc pour les réseaux, comme ça, ça pour faire un peu de promo pour le groupe. Vidéo aussi. Promo. Ça pourrait être pas mal, un truc comme ça, mais pas dans le but de vendre un album. Faire un album, non, c'est pas du tout la vocation du groupe. On a tous des groupes respectifs qui font autre chose, donc là, entre ça, c'est vraiment. Ouais, c'est le groupe, le chaînon manquant dans les groupes de reprise. C'est ça. Là, il n'y a pas de groupes qui font ce qu'on fait. J'en connais, en tout cas, en Europe, j'en connais très peu. Et justement, Steph, on t'a déjà vu en mode cumul des mandats, entre guillemets, en jouant deux sets en un soir avec donc Tribute of Trash et bien sûr ce pour quoi on te connaît, c'est-à-dire Loud Blast. Est-ce que c'était pas trop difficile, justement, enchaîner deux sets qui sont quand même assez physiques? Non, encore une fois, tu te mets en condition. Ce que je fais avec Trip to Thrash, c'est différent de ce que je fais avec Loud Blast. J'ai moins. Autant Loud Blast, ça repose plus sur moi que Trip to Thrash. Vraiment, on est quatre. Donc, on s'est aussi réparti les morceaux. Voilà, Alex, il chante tel morceau. Enfin, chacun, on a chacun notre partie à nous. Donc quelque part on a c'est pas le même travail, c'est pas le même boulot, j'aime pas dire boulot, mais c'est pas la même façon d'aborder le concert, quoi. C'est tout aussi pro et c'est tout aussi l'envie de le faire le mieux possible, mais il y a c'est réparti différemment. Maintenant, votre avis sur le retour de Slayer et Kerry King en solo. Alors Slayer en live uniquement pour une date et Kerry King en solo en tant que fan de thrash. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? On en a même parlé sur la route, tu vois. Moi, je trouve que le choix de Zegada, déjà, c'est super adapté. Enfin, moi, je trouve que ça colle. Après, l'album, moi, je le trouve plutôt bon dans l'ensemble. C'est une suite à Replay Kerry King. J'ai pas écouté. L'album, franchement, j'étais pas... C'est du Kerry King. Hyper fan des singles, en fait, des premiers morceaux. Et en fait, quand l'album est sorti, j'ai écouté dans son entièreté, dans l'ordre. Et je l'ai trouvé vraiment très bon. Et je l'ai vu là au Hellfest, c'était mortel, franchement. Et le line-up est solide, le son était monstrueux. Donc non, ça tient la route, quoi. Encore une fois, c'est vrai que quand tu vas voir Kerry King, t'as envie qu'il joue plein de morceaux de Slayer, hein, parce que Slayer, ça nous manquera toujours. Qui se reforme pour un concert, franchement, si j'avais pu y aller, j'y serais allé. Hein. On reste tous des grands fans de Slayer, quoi. Je pense qu'on les a vus au tout début. Moi j'ai vu leur premier concert en Europe. C'est un groupe vraiment majeur pour tout ce qu'on a fait après. Mais moi, enfin, c'est ce qu'on est même. Voilà, s'ils ont envie de se reformer et prendre plein de blé et faire plaisir aux gens, moi je trouve ça. Je serais le premier à aller les voir, tu vois. Donc après. Justement, vous interprétez Black Magic. Est-ce qu'on peut l'entendre sur la scène du plein air ce soir? Bah, on ouvre avec Black Magic. Comme l'année dernière, du coup. Voilà. Alors, ce soir, du coup, Plein Air Fest, est-ce qu'on peut espérer un jet de guitare dans la foule aujourd'hui? Alors, on n'a pas préparé ça. Il y aura du jet de... Il faut qu'il y ait un partage. On a acheté des guitares la dernière fois, maintenant c'est aux gens de se jouer les uns les autres. D'envoyer des guitares, nous envoyer des guitares. On va pas le faire systématiquement, encore une fois, il ne faut pas que ce soit un gimmick. Tu vois, mais, alors on le refera sans doute là où on ne nous attend pas. On balance des conneries quand même, hein, mais pas des guitares cette fois-ci. Et pour terminer, un mot sur vos projets respectifs. On va commencer par Alex. Donc Alex, le Agressor. Ouais. On joue avec Incantation et Left to Die le 17 août au Black Lab. Après, c'est un des seuls concerts qu'on fait parce qu'il faut que absolument que je sorte un album. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, j'ai pas le temps de composer. Ah, non, parce que j'ai d'autres projets, notamment celui-là, et puis du boulot ras la gueule. Mais voilà, donc c'est dans les projets prochains. Alors, ce qui me concerne, on va commencer par Loudblast. Il y a un album qui sort le 25 octobre qui s'appelle Altering Fates and Destinies, qui sort chez Listenable. Donc le 25 octobre, il y aura une promo, il y aura une tournée qui va suivre, même plusieurs tournées qu'on va annoncer très rapidement. Donc ça va être le gros du travail pour l'année prochaine. Ensuite, il y a les Tambours du Bronx qui sont toujours en tournée dans lesquels je chante régulièrement, c'est-à-dire le plus de fois que je peux. Et puis Tribute to Thrash, on a encore plein de choses à faire. Et Sinsenum aussi, un nouvel album qu'on vient de terminer, qui sortira l'année prochaine. Et est-ce que vous avez annoncé le remplacement du batteur? On le fera ça en temps et en heure. Mais là, en tout cas, l'album est enregistré, mixé, masterisé, il n'y a plus qu'à le D'accord. sortir. Et une pensée, bien sûr, pour Joey Jordison, oui. Qui vous a accompagné pour deux albums. Absolument. Qui nous a accompagné depuis le début, hein, puisqu'on a créé le groupe ensemble. Hein. Il y aura forcément, malheureusement, trop dommage sur cet album-là, puisqu'on vient de perdre aussi notre ingénieur Light, il y a à peine un mois. Donc, on ne fait pas des albums pour faire des hommages, mais il y en aura quand même. Et toi, Fabien, avec Trashback? Trashback s'est mis entre parenthèses, en fait, depuis un an déjà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'actualité. D'ailleurs, ça concerne moi et Niklos, puisqu'on était tous les deux dedans. Voilà, pour l'instant, c'est un projet que j'ai mis un peu en... Je ne dis pas que ça repartira pas. On est stand-by. Mais c'est un peu... Tribute to Trash d'abord. Voilà. C'était un petit peu la logique derrière. Hein. Trashback, c'était peut-être pas suffisamment de temps pour pouvoir composer, tous se voir, vu qu'on est un petit peu loin les uns des autres. Puis, on a eu toujours le problème un peu du deuxième guitariste aussi, pas super stable, pas très présent, pas... Voilà, donc c'est toujours un projet qui a été un peu bancal à chaque fois, en fait. Même si on a fait quand même beaucoup de dates et trois albums, donc malgré tout ça fonctionnait bien, mais on verra ça, je sais pas, peut-être, mais peut-être que l'année prochaine, il y aura peut-être des trucs qui reviendront. Des petits bonnes choses aussi, là. Voilà, mais pour l'instant, effectivement, on se consacre, nous, sur Tribute to Trash pour que ce soit bien, que ça corresponde à nos attentes. Augmenter le nombre de titres qu'on a, enfin voilà, bien bosser tout ça, et puis après on verra. Et justement, donc le rythme de concert devrait peut-être s'accélérer dans les prochains mois? Pas plus que ça, en fait. Le but, c'est pas non plus d'en faire 50 dans l'année. Mmh. Et de sélectionner des dates. Oui, puis je pense que, encore une fois, là, vu nos activités respectives, c'était aussi conscient de ne pas faire trop de dates cet été, mais je pense que l'année prochaine, on va essayer aussi de profiter du fait que Loudblast fête ses 40 ans, et qu'on va faire un maximum de festivals pour que y ait aussi Tribute to Trash qui se greffe autour de ces dates, parce que la moitié du line-up, Niklos et moi, on fait les deux groupes. Et puis encore une fois, je trouve que c'est toujours, comme je te disais, avoir à faire deux setlists, c'est pas un problème, quoi. Tu vois, donc voilà, il y a. Ouais, on étoffe encore dans cette liste, on pourra faire d'autres trucs, on pourra vous proposer des concerts différents aussi, selon les festivals. Mmh. C'est un peu ça l'idée, c'est aussi de faire... si on fait plusieurs festivals l'été prochain avec Tribute to Thrash, c'est pas jouer la même setlist à chaque fois. Ça va s'adapter peut-être à la couleur de chaque... Ouais, par exemple, il y a des trucs en Allemagne qu'on vise un petit peu, après je sais pas si ça se fera, mais un festival comme le Headbanger Open Air, tu peux te permettre de l'axer sur Whiplash, Razor, Nuclear Assault, et compagnie, sans faire de Metallica. À la limite, tu te fais siffler. Tu vois, Metallica. Ouais, ouais, voilà. Mais bien entendu, l'Allemagne a une scène trash qui est quand même mythique. Bah, tu sais, dans nos... vérité de tu vois, on voulait travailler tout le premier EP de Sodom, tout le premier EP de Destruction. Ça fait partie des choses qu'on avait aussi, qu'on a toujours en projet pour faire, tu vois, si on va jouer en Allemagne, ben on serait capable de jouer tous ces albums. Et ça serait génial parce qu'on les connaît déjà tous par cœur dans nos têtes, quoi. Donc les mettre en place, ça fait partie des choses qu'on pourrait faire et proposer à des festivals en Allemagne ou sur des dates, quoi, tu vois. En tout cas, Tribute to Thrash, on vous retrouve ce soir sur la scène du Plein Air Fest et ce sera encore une fois un plaisir de headbanger avec vous. Merci à toi. Merci. Et encore une fois, merci à l'équipe du Plein Air Fest pour cette interview. On enchaîne avec cet extrait de l'album Alive 2 par Anthrax et le classique NFL Evil Knucklefessin. Are you with us? Yes, vous venez d'entendre Anthrax, NFL, Nice Fucking Life, Evil Knuckle Fessin. Tout de suite, on va passer à quelque chose de relativement moins rapide ici avec Crypt Sermon qui nous sort cet album The Stygian Rose pour des Américains qui sont d'influence Doom Metal, Candlemass en tête. Donc on est là face à du heavy doom épique et mélodique et ce sera le morceau Thunder Perfect Mind qu'on envoie tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Voilà pour Crypt Sermon, excellent groupe de doom metal, très influencé par Candlemass. On penserait même à Robert Lowe ou même le chanteur actuel de Candlemass ici. On passe maintenant à quelque chose de plus rapide avec Cognitive et cet album Abhorrence tout de suite sur Overdrive Radio Dio pour quasiment terminer l'émission. D'entendre Crystal Viper tout de suite. Crystal Viper tout de suite avec son dernier album The Silver Key sorti sur Listenable, et on enchaîne avec Insidious avec du death metal et le morceau Abhorrence pour quasiment terminer l'émission ici. I am the Dormicus. Voilà, Overdrive, ça va être terminé pour ce soir. On se quitte en compagnie de l'ami Mathias Eklund et de son premier album, Freak Guitar, sur lequel il nous servait une petite reprise en façon jazz manouche de Detroit Rock City de Kiss, bien entendu, dans une version donc tout à fait personnel. Voilà, on remercie encore une fois l'équipe du Plein Air Fest ainsi que Tribute to Trash pour l'interview et l'accueil. On vous dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Dio pour encore un peu de musique qui pulse. On rappelle le www.radiodio.org, le www.facebook.com/overdrive-radio-dio. Retrouvez les podcasts des émissions et bien plus encore. Cette année, on sera également présent sur le festival du Motocultor pour vous servir d'autres interviews. Donc, restez bien derrière votre tuner, ça devrait être super sympa. Merci, ciao, bye bye.